Pour libérer le pays qu'on enchaîne, briser Syria et massacrer ses ennemis, il faut des gardes aussi à la peine. Chacun pour tous et tous pour un réuni. We'll be right back. Adieu.